une soirée d'été. Le goût du vent, le velours ne teint lèvres que j'aimerais jamais assez. J'aurais dû les tatouer peut-être. Je rêve de te retrouver. Rien qu'une fois, toi qui murmure quelque chose, que je serai la seule à chanter dans le futur. J'ai fait un vœu, les refrains qui se cachent dans le silence des étoiles. Pas besoin d'être heureux pour voir ton sourire qui vient, qui s'en va. J'ai fait un vœu, nos visages qui dansent au milieu de nulle part. Suffisait d'être deux pour voir la marée qui vient, qui s'en va. Toutes ces merveilles avec toi, laissées derrière moi. L'artère principale est touchée. Je n'ai pas su garder le cap. La lune ne s'est plus jamais couchée. Le soleil n'est plus sur la carte. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la vallée des reines sans roi? Trop d'écume et de brume, j'ai dû voyager sans toi. J'ai menti, je lui ai dit qu'on se retrouvera. Je l'ai crevé une jambe de bois. C'est plus long quand je fais les 100 pas. J'ai échoué sur la plage au regret. J'ai pris des vagues impraticables. C'est bientôt l'heure où tout se tait. Même sérieusement à mon cher, on retenterait bien le diable. J'ai fait un vœu, nos visages qui dansent au milieu de nulle part. Suffisait d'être deux pour voir la marée qui vient, qui s'en va. Toutes ces merveilles avec toi, laissées derrière moi. J'ai joué sur la plage au réveil. J'ai pris des vagues impraticables. Devenir un rocher. Le rêve d'un grain de sable.